Toi quand t'as mon petit garçon, écoute bien cette chanson. La musique que tu entends, elle a maintenant bientôt 5 ans. À l'été 89, on a cassé un petit œuf, d'où une pépette à roulette est sortie pour voir nos têtes. On est tous restés bouche bée devant cette petite fée. Tous la porter, la dorloter, la cajoler. Elle a inspiré ce petit air sur mon clavier. Et peut-être a tous l'envie d'avoir un petit bébé. Après y a eu Nicolas, et puis Antoine, et te voilà. D'autres arrivent à petits pas, qui seront là dans quelques mois. Tous renforceront le clan. Dans leurs veines le même sang, alors rien que pour cela, cette chanson, c'est pour...